C'est comme une fièvre, une maladie. Il faudrait mourir pour en guérir. Où est-elle? Oh, arrête de penser toujours à elle. On baisse trop, il faut qu'on fasse un break, sinon je vais y passer. Je vais lui dire que je rentrerai pas déjeuner à midi. Mon Dieu, j'y arriverai jamais. Je vais prendre une chambre d'hôtel pour la nuit. Ouais. Je l'appelle, je lui dis que je rentrerai le lendemain et je reste toute la semaine jusqu'à la désintoxication complète. Ouais, mais si j'ai une crise cardiaque, c'est elle qui va devoir se faire à la solitude. Bon, je vais lui dire de me rejoindre à l'hôtel.